Ça me fait tout drôle de faire une entrevue avec Catherine Saint-Gelais, la sœur de Marianne. Évidemment, ça fait plusieurs années que je parle avec Marianne de ses performances en patinage de vitesse. Mais là, maintenant, je vais parler avec Catherine, la sœur, puisqu'elle a participé tout récemment en Floride à une compétition de CrossFit. Question d'avoir un peu son parcours, de savoir comment que ça s'est passé et qu'est-ce qu'elle entend faire. On lui parle. Salut, Catherine! Bonjour! Catherine, ça fait tout drôle de parler à la sœur de Marianne. Dis-moi, ça fait si longtemps que tu fais du CrossFit? Ben ça fait environ là 3 ans, là, donc j'ai commencé là à Saint-Félicien dans un petit garage. On avait quelques petits équipements, là, mais officiellement ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'on s'entraîne de façon plus efficace, qu'on a vraiment des plans d'entraînement précis là en vue de compétition. Comme celle-là à laquelle j'ai participé, là. OK. Évidemment, le CrossFit, c'est un sport qui est encore en développement. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Qu'est-ce qui fait que tu as aimé ça? Parce que moi, je t'ai connu, tu as fait du patinage de vitesse, ça a plus ou moins fonctionné. Qu'est-ce qui fait que tu as aimé le CrossFit? Puis ça a cliqué, comme qu'on dirait, là. Ben, je pense que c'est le fait que le sport, il, comme tu le dis un petit peu, ça progresse toujours. Donc, on a l'impression qu'on arrive toujours à la fin ou qu'on sait tout du sport, là, mais le sport nous surprend. Là, on nous arrive avec des nouveaux mouvements, on nous arrive avec des charges qui sont de plus en plus élevées. Étant donné que bon, ça gagne en popularité, il y a de plus en plus de personnes qui font ce sport-là. Donc le niveau devient de plus en plus élevé. Donc quand on pense qu'on atteint un niveau quand même intéressant, ben il faut continuer de travailler parce que finalement on n'est pas si bon que ça, là. Donc je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on continue qu'on se fixe d'autres objectifs puis qu'on continue de s'entraîner là. Je pense que OK. c'est beaucoup ça qui me pousse là-dedans, là. La compétition que tu as faite la semaine passée, en fin de semaine passée, est-ce que c'était une compétition, de ce que j'ai pu lire, c'était vraiment une compétition la plus prestigieuse, la plus grande, en fait, là. Ben en fait, la plus grande compétition de CrossFit, là, c'est les CrossFit Games, là, qui vont avoir OK. lieu bientôt là, cette année, là. Donc le processus, bon, on passe par les Open, puis ensuite on passe par les régionales qui nous amènent vers les CrossFit Games. T'sais, moi, j'ai pas d'autres références en tant que telle en tant que compétition, mais pour avoir fait cette compétition-là avec des gens qui ont participé au CrossFit Games dans les années précédentes, là, eux semblaient dire que c'est une compétition qui s'apparente à ça. C'est sûr que c'est pas les mêmes athlètes, puis c'est pas la même bassin d'athlètes qui participent à cette compétition-là. Donc non, c'est loin d'être aussi prestigieux que les CrossFit Games, mais c'est quand même de ce que moi j'ai pu entendre, là, une des compétitions qui se rapproche le plus là, de ce niveau-là de compétition, là. OK. Puis vous avez fini, parce que ça marche en équipe, tu as fini 12e, si j'ai pu bien comprendre, c'est On a fini ça? 14e. 14e, OK. 14e. Est-ce que la marche est haute entre ton équipe et celle qui a fini premier, ou il y a pas une si grande différence que ça? Oui, la différence est quand même assez grande, là, dans le sens que peut-être les 6, 7 premières équipes là, qui ont terminé en haut du tableau, là, c'est des équipes qui ont toutes participé au CrossFit Games dans les dernières années, là, donc beaucoup d'athlètes de très grand niveau qui ont un très gros bagage là, dans ce sport-là. Je dirais que vers 7 jusqu'à 20, la 20e équipe, là, des équipes qui sont relativement comme la mienne, là, qui ont peu d'expérience ou que certains membres de l'équipe ont de l'expérience, tandis que d'autres sont plus là pour apprendre, là, comme ce qui est dans mon cas. Puis ensuite, les dernières équipes, ben, plus des équipes qui ont moins d'expérience, mais qui sont en mesure quand même de rivaliser là, avec ces athlètes-là. Mais oui, on est en mesure de voir la différence tout au long de la fin de semaine, là, lorsqu'on se retrouvait sur la ligne de départ. Nous, on était toujours 10e, 12e, donc on était toujours dans la première vague avec les équipes les plus fortes. Puis on le voyait que c'est souvent, oui, on était capable de rivaliser, mais quand ça devenait plus complexe, ben on était peut-être un petit peu plus loin derrière, là. OK. Puis j'imagine que c'est quoi? C'est plus d'entraînement, plus d'expérience, plus de tout, quoi? Ouais, ben c'est une combinaison de tout ça. Il y a des athlètes là-bas qui étaient sur le plancher contre nous qui ont 10-12 ans de bagage dans le Ouais. CrossFit, là. Moi, avec mon 2-3 ans derrière les épaules, il me reste beaucoup de travail à faire, c'est certain. Fait que oui, c'est de l'entraînement, c'est de l'expérience, c'est du temps aussi, là. Donc, je suis jeune, là, j'ai la chance d'être assez jeune puis de participer à des compétitions d'une telle envergure comme ça, là. Donc, il me reste beaucoup d'années devant moi pour perfectionner bien des mouvements puis bien des choses à travers tout ça, là. Là, je me rappelle bien, t'as quel âge à peu près? Je pense que t'as 25, Moi, j'ai 26, 22. 22, OK, J'ai 22. 22 ans. OK, donc 22 ans, c'est sûr que t'es toute jeune. Donc, on atteint le pic à quel âge dans cette... Là, j'aurais pas d'âge précise, là, mais je dirais que Les gens qui étaient avec moi dans mon équipe ou qui sont dans mon entourage ont 26 ans environ. Je dirais peut-être, il n'y a pas d'âge là en tant que tel. Là, il y a des athlètes, des super bons athlètes qui sont dans la trentaine. Puis il n'y a pas d'âge précis là de pic de performance en tant que tel. OK, il n'y a pas d'âge vraiment. Donc tu peux atteindre un âge vraiment à 25 ans, tu peux être bas, être à ton pic, à ton prime, tu peux arriver à 40. Donc c'est ça. Exact. Puis il y a des athlètes qui vont participer au CrossFit Games qui vont avoir 19 ans, puis 20 ans. Puis donc, il n'y a pas d'âge défini en tant que tel. OK. Dis-moi, tu t'en vas où avec ça? Est-ce que ça t'a donné vraiment la piqûre de continuer une compétition comme ça? J'imagine que lorsqu'on vient de ça, on est vraiment sur un high, on est sur une adrénaline terrible. Est-ce que c'est ça un peu que tu vis actuellement? Est-ce que tu t'en vas où avec ça? Est-ce que tu penses que tu pourrais être dans une couple d'années là encore? Ben, je pense que la piqûre, je l'ai eue depuis longtemps, là. C'est qui. OK. J'adore ce sport-là. Puis, oui, cette compétition-là, ça fait juste, dans le fond, enrichir cette passion-là que j'ai pour ce sport-là. La prochaine étape, ben, c'est les Open qui vont avoir lieu à la fin du mois de février et puis au début du mois de mars, là, donc dans ce coin-là. Nous, on est en préparation pour cette compétition-là dans le but de se qualifier, mon équipe et moi, pour participer aux régionaux, là. Donc, la prochaine étape, ça va être ça pour nous. Donc, mais oui, c'est sûr que cette compétition-là, de voir à quel point c'est gros de pouvoir côtoyer les athlètes qui ont fait leur preuve dans le domaine du CrossFit, ça, c'est sûr que ça nous donne un coup encore plus là, puis on a envie de continuer, on a envie de s'améliorer, on a envie d'être en mesure de encore plus rivaliser avec eux. Donc, c'est certain que j'ajoute cette compétition-là à mon bagage, puis on est juste prêt à pousser encore plus fort dans le gym pour essayer d'aller les chercher le plus possible. Est-ce que tu as vu l'évolution au cours des dernières années de ce sport-là? Puisque moi, je le vois, ici à Dolbeau, on a quand même on a eu des gens qui sont les frères Veilleux, William, Harold et ainsi de suite, qui sont vraiment été forts. Est-ce que tu vois vraiment une évolution sur ce sport-là au fil des années? Ça fait 3 ans que tu fais ça. Bien, c'est sûr que moi, j'étais arrivée dans le moment, tu sais, j'ai commencé à faire ce sport-là alors qu'il était dans sa pleine croissance, là. Ouais. Donc moi, j'ai pas connu le temps alors que c'était pas très populaire. Moi, je suis arrivée puis j'étais en plein dans le temps où il y a eu plusieurs gyms qui se sont ouverts, qu'il y a eu de plus en plus d'athlètes qui ont adhéré à ça. Donc c'est sûr que moi, le avant, je l'ai pas connu, là. Mais oui, pour être à Montréal puis pour être parti en fait de Saint-Félicien où il y avait rien du tout, puis de revenir pendant les fêtes ou revenir pendant les congés, tu sais, être dans ma ville d'origine à Saint-Félicien, je le vois qu'il y a une grosse progression dans les régions, là. Les gens sont bien installés, puis il y a de plus en plus de gens en fait qui font ce sport-là. Mais je pense qu'à Montréal en soi, c'était déjà ancré ce sport-là quand moi je suis arrivée, donc je vois peut-être moins l'évolution à Montréal ici, là, mais dans les petites régions, oui. Là. OK. Donc, tu m'as parlé du mois de février. Tu as combien de compétitions par année? Parce que c'est la première fois qu'on entendait parler de toi. C'est sûr que tu faisais ce sport-là. Généralement, tu as combien de compétitions? Bien, ça dépend. On fait pas beaucoup de compétitions parce que l'objectif de l'année, c'est vraiment les Open. Là. Donc, nous, on se concentre là-dessus. Ça nous arrive de faire des petites compétitions par-ci, par-là, là, dans des gyms organisés par des gyms qui sont pas des grosses compétitions, là, simplement pour vivre un peu d'expériences différentes. Ouais, okay. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui... Il y a des athlètes qui ont besoin de faire des compétitions pour leur cheminement, mais moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui me parle beaucoup là, de faire des compétitions à tel mois ou 3-4 dans l'année. Là. On se concentre vraiment sur les Open qui s'en viennent. Puis cette compétition-là qu'on vient de faire, c'est parce que c'est une super de grosse compétition. Donc, c'est pour ça que nous, on a participé à celle-là. Là. Donc, OK. Ouais. Être la sœur de Marianne, ça fait-tu de quoi? Ça change-tu de quoi? Ou pas pantoute? Ben, je dirais que, tu sais, pour avoir patiné pendant 14 ans, quand j'étais une patineuse, oui, là, ça faisait une grosse différence. Les gens m'associaient beaucoup à elle. Puis, c'était dur de passer à côté de tout ça. Mais dans le domaine du CrossFit, oui, il y a des gens qui quand tu fais du sport, je pense que tu as quand même une bonne ouverture d'esprit. Fait que oui, il y a des gens qui la connaissent parce que ils sont dans le sport depuis toujours, là. Mais c'est sûr que c'est pas le même. Saint-Gelais, ça sonne plus comme Marianne. Saint-Gelais, ça sonne comme. Je pense que c'est peut-être plus une identité à moi là, là-dedans qu'une identité qui appartient à une autre personne. Là. Okay. Mais oui, là, il y en a beaucoup qui font le lien entre les deux. Puis qui. Effectivement. Ben, Catherine, félicitations, bravo, puis on va te suivre à partir de maintenant. Donc, la prochaine compétition, c'est février, c'est ça? Fin février? Oui, donc c'est les Open, ça dure, c'est 5 semaines environ, là. Donc on va avoir des workouts à faire à notre gym d'appartenance, là, des résultats qu'on va envoyer en ligne, nous. Puis ensuite, en prenant les résultats de chacune des personnes de mon équipe, on va voir si on se retrouve sur le dans le fond, la liste des gens qui vont pouvoir participer aux régionaux ou non. Là. Ça commence quand? Ça commence le... Là, j'ai pas la date précise, malheureusement, mais je pense que c'est la dernière semaine de février ou mi-février. Là. Fait qu'on va te suivre de très, très près. Ben, Catherine Saint-Gelais, bravo, puis on se reparle. Merci beaucoup, c'est gentil. Catherine Saint-Gelais de Saint-Félicien.